بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه نصيحة لإخواننا حفظ الله الجميع في مسألة مهمة جدا، وهي ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعية يترجم في الفرنسية الريزو سوسيو أي دي بروغرام بور كومونيكي إلى آخره، معروفة عند الجميع. وهذا في الحقيقة سوفر سي مواقع، que ça soit forum, que ça soit les réseaux sociaux, que ça soit les groupes avec certains programmes pour communiquer. En haqiqa, celui qui ne fait pas attention via hadha al-bab, ça peut ouvrir des fitan azima ala al-muslimin wa ala nafsih. Fali hadha al-ulama, hafidhahumullah, ils mettent en garde contre hadha. Al-aslu, et salabu tantabih, lahu akhi al-karim, anna al-aslu fi kathir min al-ashya sal-ibaha. La base dans ces choses et dans beaucoup de choses, c'est que c'est permis. Lakin, si tu ne fais pas attention, الشيطان, il peut t'égarer. خطوة خطوة. لا تتبعوا خطوات الشيطان, قال عز وجل. خطوة خطوة. Une chose à la base, c'est permis et il t'égare si tu ne fais pas attention. فلهذا أحببنا ننصح إخواننا بهذا الباب لأن الآن la plupart des frères ils utilisent هذه الوسائل لكن لابد من التنبيه. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله إلى النصيحة في هذا مختصرة. قال حفظه الله: اعلموا أن أعظم المعوقات عن الاستقامة هي الفتن. صحيح. انتبه أخي الكريم من الفتن. que ça soit cette fitna الآن qu'on va parler أو d'autres. لأن الرجل أو المرأة ils peuvent être à l'استقامة لكن il y a des choses انتبه. t'as des ennemis, t'es pas tout seul. الشيطان وجنود الشيطان وأهل البدع والجهال ربما cette استقامة ils font tout pour t'enlever. أنت انتبه لهذا. Comment on peut se préserver? Awalan avec une niya saliha. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Thaniyan avec l'ilm. T'es à l'ilm. Tu crois pas tout ce qu'on dit. Tu propages pas tout. T'écoutes pas tout le monde. T'es à l'ilm. Ce ilm va permettre de filtrer. Al-haq min al-batil. Bi-idnillah azzawajal. Kadalik, revenir à ahl al-ilm. Pour arriver à comprendre des choses. أو certaines choses أو beaucoup de choses on doit revenir à أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الشيخ الفوزان التي تصد عن سبيل الله وتوقع في الضلال وما أكثرها في هذا الوقت. صحيح. أما نحن في زمن de فتنة partout في البيت en dehors du bait في المسجد en dehors du masjid الكبير الصغير المرأة الرجل dans les pays muslims dans les pays de kuffar des فتن partout نسأل الله العافية. قال وما أكثر الدعاة الذين يدعون إليه أي لا هذه الفتن. قال من خلال الكتابات من خلال يسيت ديز اوت شوز. قال وما أشبهها من وسائل الاتصال التي انتشرت بين الناس اليوم. نعم. que ce soit ce qu'ils appellent Facebook أو Twitter أو les salons sur WhatsApp tous ces programmes tous ces choses si tu fais pas attention c'est une fitna. أما il y a des choses أصلا il faut éviter. Il y a des choses, aslan, il faut éviter, ça te fait du mal à ton dîn, évite, akhi al-karim. قال, وَمُلِئَتْ بُيُوتَهُمْ مَا أَكْتَرْ مَا يَنْحَرِفَ الْمُنْحَرِفُونَ بِسَبَبْ هَذِهِ الْوَسَائِلَ الْخَبِيثَةِ. Ça c'est كلام عالم لمشفق على هذه الأمة. إلى الله رحمة. Il sait que كثير من الناس الآن يسيقاها à cause de هذا. En fait, si tu viens peser le pour et le contre, المصالح من المفاسد, tu vois l'an anna al-mafsada l'a'azam. Et dans notre dars qu'on a fait juste avant fil qa'id al-fiqhiyya, incha'Allah on verra une règle, al-masalih wal-mafasid. Si l'mafsada elle est plus que l'maslaha, le fi'l, cette chose tu dois la délaisser. Comme l'khamr matalan. Et l'maslaha, elle est petite. L'mafsada l'a'azam. Al-khamr c'est haram. Qala shikh al-fawzan, hamidahullah. Fahdharuha ya ibadallah, ihdharuha. La tanzuru fiha. La tadkhuluha buyutakum. خاصة si t'es un père de famille. Ya akhi, anta, il y a des choses, probablement tu peux comprendre, tu peux maîtriser, tu peux. Lakin, si t'es pas tout seul, intabih. Pense à tes enfants, pense à ta femme, pense à ta soeur, pense à ton frère, pense à tes parents. Si ça peut ouvrir un char, évite. Internet, matalan. Si ça peut ouvrir un char, dans le bait, évite. Si t'as besoin d'internet, anta, tu vas dans un endroit, testafid, imma kitab, imma kalima, imma, tumma, inshaAllah, tu reviens et chez toi, ils sont préservés. Ou celui qui peut mettre un code, etc. Ma'rouf, l'essentiel, le char, il est restreint. Et tu préserves al-ghafili, al-du'afa, al-duha. Qala, ولا تتركوها مع أولادكم مع زوجاتكم فإنها هي التي تصد عن الدين عن سبيل الله وتحرف عن الاستقامة وتوقع في الانحراف والضلال ما أكثر من ضلوا وانحرفوا انحرفوا وتغيرت ملامحهم تغيرت طريقتهم صحيح والله كم من الناس vous en connaissez et j'en connais et les frères ils en connaissent كم من الإخوان اللي تي والله على استقامة على خير il a mis sunna il est rentré dans certains salons dans certains sites الآن avec les réseaux c'est أكثر il a des شبه والله بعضهم إذا على خير il a des شبه contre les gouverneurs شبهات الخوارج بعضهم إذا على خير ils ont شبهات الحزبيين mais pourquoi vous parlez sur فلان mais pourquoi إلا أنه il est rentré dans des endroits dans des salons dans des réseaux c'est pas à la... ils n'ont pas été fondés sur al-manhaj al-salafi al-sahih fattaqillah akhi cette chose hein, tu penses que ça te fait du bien ça t'égare ça te fait rubbama perdre ta aqida ton din qala wa min aqwalihim wa af'alihim thumma hum murabitun aw murbitun n'am ay ibn al-rabt murbitun ay ils sont attachés qala murbitun laylan wa naharan أعينهم في هذه الآلات الخبيثة ماذا جاء ماذا حدث دائما حتى إنهم أصيبوا بالمداومة عليها أصيبوا بالإتمام صحيح سيكون من دروغ نعوذ بالله والله بعضهم بلد قرآن بلد علم بعضهم ربما سأخفق ينكوبي ونتخلوية سفن بعضهم ينكوبي ونتخلوية المسجد بعضهم سأخفق عن باب ديركتما في الحرام ديركتما الشر تعلمون أن يدي الشوز دون سي وسائل سإلحاد وزندقة des sites de Rawafid, des sites de Yahoud, de Nasara, Afkar, Haddama, ou Bida' ou Khurafat, ou du Haram, na'oudou billah. L'insan, il fait attention à son din. Il ferme les portes et il se préserve. Wallah, si ça te fait du mal, akhi, otruk. Prends un téléphone adi, un ordinateur adi, et inshallah, tu prends un disque dur, matalan, tu mets du khayr, et t'estafid. T'as pas besoin de rentrer, huna, huna. Wa, au vu de comme, vous savez, hada, anna ceux qui rentrent, ils sortent, même s'ils veulent ilm, enfin, en fait, il fait rien du tout. Il commence toujours le premier dars, il finit jamais. Ba'dahoum, il prend pour l'ilm. Il rentre dans ce site, matalan, il commence au sol salat, il commence premier dars. S'il le finit, alhamdulillah. Ahyanan, il finit pas premier dars. Il va dans notre site, kitab tawhid, premier dars, il finit pas. Thomas, il va dans notre site, il commence à lire une risala, il finit pas. Wahakada. Il y a trop de choses devant lui, il n'arrive pas à se maîtriser, il finit jamais rien du tout. Talib ilm, c'est pas hakada. Wallahi, on a vu, walillahi alhamdulillah, Allah bin ilm, fi dammaj. Et l'an, في صنعاء, on a vu طلب العلم الشرعي الصعي عند العلماء. والله, il n'a même pas besoin d'internet. Abadan. Il n'a pas besoin. Ahyanan, ahyanan, une mas'ala, une nouvelle risala, il en a pour 5 minutes, il imprime, ou il met dans son téléphone ou dans son disque dur, il écoute. Amma jour et nuit, والله, ce n'est pas une méthode. Abadan. Comment ils ont fait le salaf? Ça n'existait même pas, ces wasa'il. C'est devenu des a'imma, l'imam Ahmed. Il rapporte qu'il a fait plus de 1 million de hadith. Comment il a fait? Lui-même, lui-même, lui-même, c'est un ordinateur, un rajul, 1 million de hadith. Mais nous, nous avons beaucoup de moyens. Ya Rab, celui qui apprend 40 nawawi. Ya Rab, celui qui apprend 40 nawawi, qu'il a un niveau élevé. Alors que c'est un livre pour les enfants, c'est pour les débutants. Qala usibu bil idman. Zakara ahlul khibra. Anna man waqa'a fiha yusabu bil idman. Al-idman, c'est une dépendance. C'est comme la drogue. C'est vrai, حتى الاطباء الان حتى الكفار ils essayent de trouver une solution pour leurs enfants pour wallah ibadhum ils tombent malades ils mangent plus خاصة les enfants tu le mets devant l'ordinateur wallah ni mange ni boit ربما معروف قال نختصر قال ولو انه من الاول تجنبها لسلم منها فاتقوا الله عباد الله حافظوا على دينكم اما نحن الان كثير من جينيراسيون ils ont goûté à هذا. On fait attention et on utilise ces wasa'il par rapport au din. On s'écarte du haram, on s'écarte de bid'a wal khurafat, on s'écarte du jahl. Et on essaye de ces moyens de propager avec le din. Amma les enfants, écarte-les de hala, aslam. C'est un enfant, il ne peut pas améliorer. Quand il grandira, inshallah, il est à la khayr, il utilisera ses moyens, inshallah, à la khayr et à l'istiqam. Amma l'an, un enfant, un daïf, là. Devant toi, il va te montrer un nahou, c'est pour le khayr, tu retournes le dos à un enfant, halas, ma'rouf. هذه نصيحة شيخ الفوزان حفظه الله سين خطبة جمعة بعنوان الاستقامة et certains frères ils l'ont recopié ونحن نرجد quelques نصائح de notre frère معافى أبو زيد حفظه الله il fait partie des طلاب علم qui était avec nous في دماج et il est معروف c'est un ancien حفظه الله il a conseillé قبل أيام نصيحة طيبة خاصة pour rapport au salon انتشر ces salons sur WhatsApp ou autre, أنه un salon, beaucoup de frères, et chacun il envoie des messages. هذه بالحقيقة الأصل زطيب يتعاون لكن il faut faire attention يا جماعة. C'est pas tu rapportes tout, tu dis tout. Là, et بالحقيقة c'est pas une méthode pour l'ilm. نحن on est صريح يا هذا. C'est pas une méthode pour l'ilm. C'est une méthode pour avoir des informations, quelques fawaïd, تمام. Une faïda, un nouveau livre, un nouvel audio qui est sorti, tamam. Tastafid. Au lieu d'aller chercher, Wahed, il a trouvé matalan, khutbah Jumu'ah matalan, la dernière de Cheikh Yahya, de Cheikh Al-Fawzan. Il nous la met, on l'écoute. Barakallahu fi. Amma, c'est une méthode pour apprendre l'ilm, là. Là, l'ilm, c'est le majid, l'ilm, c'est le hifz. L'ilm, c'est faire des livres, faire des durous, c'est ça l'ilm. Ma'a hada, al-asl, c'est mubah. Lakin, il faut faire attention à certaines choses. Naqra. Awwala, taqwallah. الإنسان يتقي الله في هذه الوسائل يتقي الله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته تسيك الله سبحانه وتعالى تسيك الله سبحانه وتعالى ترى conviction qui t'entend tes faits et gestes sont notés par les malaïka فالإنسان يتقي الله كذلك الأخبار أنه لا يتكلم إلا بشيء إلا بشيء سحق قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Fais attention à l'akhbar. Et quand tu parles, il y a des frères qui lisent, qui écoutent. Tu parles bihaq. T'as un doute, écris pas. Une rumeur, ne la propage pas. Là, c'est haq, propage. Propage un hadith, propage un verset du Coran, propage un kalam d'un alim, ulama al-sunnah. Inch'Allah, t'es mashkour. Kadalik, at-taharri fi naqli al-akhbar. Toi, quand tu parles, tu dois être véridique. On a cité le point. Al-an, ce point, fi naqli al-akhbar. Wahed, il t'envoie une information. Intabih, akhi al-karim. C'est pas tout qui se propage. Si c'est un frère, c'est un thiqa, il te rapporte une information, khabar al-thiqa, il est maqbul. Lakin, ahiyanan, il y a des informations. Le frère, il a une bonne niya, lakin, la source, on ne sait pas c'est d'où. Intabih, wahed, il propage, hatta le khabar, il est propagé vil umma. Vil umma, ahiyanan, c'est des masa'il kabira. Qabla ayam, ils ont propagé, al-mamlaka al-arabiya al-saoudiya, ils voulaient détruire la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, madri, ils voulaient faire un musée, ma kalam farib. Pas ils se sont propagés. Hatta ba'dhum yata'an fil mamlaka. Alors que c'est dawlat al-tawhid. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yahfadhum. Antabihu li hadhihi al-akhbar. Ce genre de akhbar, ça n'a aucun fondement. Rubbama sa'adu min a'da' al-islam, ils propagent hada, ils savent très bien avec les réseaux, l'an ça va très vite, et ça chevauche ala l'umma. Fala takun miftahan lish-shar. كل مفتاح للخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع الحديث اللي في صحيح مسلم يكفي أن الأمر أن المرء إلي على إثم أنه يغطر tout ce qu'il entend. لا faut filtrer des choses يا جماعة. كذلك il y a des choses c'est حق c'est صواب c'est sûr لكن il n'y a aucune فائدة de propager. ربما dans le groupe il y a des frères ils ne comprennent pas. Tu cites ce khabar il est صحيح ça met des choubahs à tout le monde. Elle est où le va'ida? Probablement, tu voulais parler à Wahed, parle avec lui directement. Ou si c'est pour se poser une question, on la pose à un savant. Et au lieu de citer le Ishkan, tu cites directement la réponse. Tout le monde s'est fait. Qui c'est qui a dit cette fatwa? C'est Cheikh Koulan. C'est quoi le dalil? Qala Allah, qala Rasoul. Tout le monde, Inch'Allah, a pris du ilm. Amma un Ishkan, probablement la moitié, ils n'ont pas compris, ils ont des doutes. L'autre moitié, hada, il veut répondre. Hada min huna, hada min huna. Tumma, ça divise, ça veut des vitaines. C'est pas ça le ilm. العلم سغصنب كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع فتموت خلنا السني الصالح يبخباش باكي العلماء الآن tu crois qu'ils propagent tout ce qu'ils connaissent? Ils propagent l'ilm pour enseigner à l'umma. Lakin Allah, il y a des choses ils ne propagent pas, ils ne parlent pas. Ils savent que les gens ne sont pas prêts, ils savent que les gens ne comprendront pas. Il y a des jalassats khas avec des tolab ilm et ils parlent sur des sujets qu'ils ne parlent pas avec les autres. Chacun a sa place. Al musiba de ces salons l'an et internet en général, حقيقة c'est une مصيبة. لماذا؟ لأن ça a ouvert les portes à tout le monde. Tout le monde dit ce qu'il veut. الآن un salon, probablement une femme elle parle, probablement un enfant il parle, probablement un talib ilm, probablement un jahil, tout le monde parle. Et وعندنا il ne faut plus la différence. Quel un talib ilm ou alim, quel un enfant, il ne fait plus la différence. C'est une information, c'est une information. Probablement il ne sait même pas ce qu'il a écrit. Abu Fulan, Abu Fulan. انتبهوا لهذا. والله c'est pas من العلم. C'est pas من العلم أبدا. Alhamdulillah on a طلب العلم avant ces choses. الآن on طلب العلم à ces choses. Hakika, ça ne nous change rien. Ben, wallah, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Kadalik, ba'd ikhwan, il faut qu'ils fassent attention. Ils perdent leur temps et ils font perdre le temps aux autres. Une scène, une TV. Beaucoup de messages, beaucoup de ishkel, beaucoup de regarde ça, Fulan il a dit, tu penses quoi? Ça prend du temps, ya jama'a. Ça prend du temps. Kulwahad il s'occupe. Et un ishkal par semaine, un message par semaine, même tous les jours, du matin au soir, wahad, il envoie. Un tarubama, c'est un message. L'autre, à la fin de la journée, ça fait des centaines de messages. Haqiqa, je suis occupé. Wallah, il n'a pas le temps. Allah musta'an. Qala, kadhalik, al-hadar min naql, al-niza'at wal-mushahanat. Fulan, il a dit contre Fulan. Si c'est pas ennemi, il n'y a pas de haja. Wallah, il n'y a pas de haja. Si tu sais que deux frères, ils ont des problèmes, essaye de faire le sulh entre eux. Et il n'y a pas de mujamala fi din. L'haq, c'est l'haq. Chacun, il est jugé, ou il est conseillé par rapport à ce qu'il a fait. Lakin, rapporté, amplifié, wallah, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas de haja. Là, le mieux, c'est le conseil ilmi, et tu lui parles directement. La'allah, il accepte, intahat al-qadiyya. Fayuntabah li hada. Fulan, il a dit, mais Fulan, il a fait. C'est pas du ilm hada. S'il y a un rad ilmi contre un munharif, ou même si c'est pas un munharif, un rad ilmi, quelqu'un s'est trompé, un rad ilmi, il est maqboul. Amma le kalam al-fariq, c'est fariq. Kadhalik, al-awqat. On a cité, on répète, anna al-waqt, c'est une ni'ma. Hadith ibn Abbas, le sahih, ma'rouf, ni'matan, maqbounun fihima kathirun minan nas. As-siha wa al-farah. Perds pas ton temps fi hada da'iman. Donne-lui un waqt, si t'as une recherche, si t'as un message, si t'as ta famille à contacter, si t'as des frères. Un waqt, et tumma t'as des wajibat, anta. T'as une famille, tu dois t'occuper, t'as du ilm, robama tu travailles, beaucoup de choses. Chaque chose a sa place. Amma layl wa nahar, avec ça, tumma t'as des al-huquq, robama wahad, il est avec son père, sa mère, ils ont besoin de quelque chose, il est da'iman téléphone ou l'ordinateur. Et son père, il a besoin, robama, une haja muhimma. Ça, c'est l'ayjouz. Ça te prend sur un wajib. Ça montre que cette chose, elle n'est pas taïba. Kadhalik, al-hadar min taswir dhawat al-arwah. Al-an, c'est wasail, ça propage du shirk kathir. Khas, satan les images. Nous ne parlons pas des images de fasad, il a akhiré, ça c'est haram, bi wudouh. Lakin, nous parlons an, il y a un tasahoul, même certaines images, inda ba'd al-ikhwan. Et tasahoul, il n'est pas bon. Ça y est, robama, il envoie une image, regarde, tumma efface-la. Là, aslan, tu n'as pas à l'envoyer. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمس الصور حديث علي معروف نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا تمتخي حديث ابن مسعود حديث عائشة حديث ابن عباس أن بالمعنى أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون أو نبقى خباشي هذا حتى أحيانا سن بتيت جيمارس لا الصور انفهم ست بقت بعض الإخوان يتنت في إحراج يتنب وين ماش ربما فيها إما حيوان إما نيتخل ما يتم في إحراج هذا لا يجوز ست وسيلة وندي الأصل المباحة أما سيسبور se propager des photos, là, c'est haram. Ça devient un appareil photo, ça devient un appareil pour propager le haram. Ça devient haram. La tadkhul al malaika baytan fihi kalbun wa la sura. La tatasabba fi hada. Si une photo, si tu regardes, le malaika, il ne rentre pas chez toi. Thumma ash-shar, thumma al-fitan, thumma al-wasawis, thumma toutes les maladies qu'il y a dans le buyout. Par rapport à hada. Kadhalik, et c'est muhim, al-amr bil ma'ruf wa al-nahi 'anil munkar. Que ça soit dans ses wasa'il ou autre. Si un munkar, c'est un munkar. لابد من الكلام لابد من الحذر لابد من التحذير من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فأنت tu peux écrire si un munkar مثلا واحد يبخباش من فتو لا نسكت si c'est dans un salon مثلا on est plusieurs لا نسكت فلان اتق الله c'est haram si on voit que des personnes ne respectent pas ces choses fondamentales ça fait partie du tawhid. Tout ça, l'interdiction de soir, c'est un rapport avec Tawhid. Falihada, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullah alayhi, il a cité le bab, il m'a sauvé, fi kitab al-Tawhid. Si on voit qu'un hadith ne respecte pas hada, t'as pas besoin de rester avec hada dans ce salon. Il y en a, ils propagent du shor. Al-hadar, al-hadar, al-amr bil-ma'ruf wa al-nahi al-munkar, c'est muhim. Wa al-takum minkum ummatun, yad'ouna ila al-khayr, wa ya'muruna bil-ma'ruf, wa yanhauna al-munkar, wa ula'ika humul muflihun. C'est ça tariqat al-fala. C'est enlever le munkar, propager le ma'ruf. Enfin, ce moyen, si c'est pour propager le ma'ruf, al-sunnah, al-tawhid, bien sûr, s'écarter du munkar. Et bien sûr, avec des dawabit, ne pas perdre son temps. Mushkila al-an dans ces salons, c'est qu'il n'y a pas de tartib. Wahad il envoie une mas'ala matalan dans tawhid. Tumma, elle n'est pas finie. Wahad dans le fiqh. Tumma, wahad il a une question. Tumma, wahad il a un problème, un ishkal. Haqiqa, à la fin, t'as plus un dhiq qu'autre chose. Wallahi, t'as la poitrine serrée, t'as pas cette affaire. Tu vois la différence, une assise d'une heure avec un alim, min ulama al-sunnah, et une heure dans ces réseaux, ou dans ce salon. Tu vois un farq azim. Taliyada, nous nansah al-ikhwan, bi talab al-ilm. Khassatan, s'ils peuvent voyager, se déplacer, inda al-alim lui-même, min ulama al-sunnah, vous allez voir, il y a une différence azim. Nassallah subhanahu wa ta'ala, li jami' al-tawfiq. Al-iqbal ala al-ilm, c'est muhim. Naktafi bi hada al-qatr. Wa sallallahu sallam ala abina Muhammad, wa alhamdulillah, rabbil alameen.